السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله وبيان. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais répondre à un commentaire qui m'est parvenu sur une de vidéos YouTube. À la base, j'ai fermé les commentaires. Je ne sais pas comment ce commentaire il est passé, mais il est passé à travers le filet. Et c'est un commentaire qui est assez pertinent et qui mérite réponse, vu qu'il a été fait avec respect et bon comportement. Mais c'est vrai qu'il pourrait laisser induire en erreur. Donc, Inch'Allah, je prends le temps d'y répondre. Donc, le commentateur dit « Assalamu alaikum, je fais ce commentaire suite à la vidéo du 14 novembre concernant la fornication. Il y a pour moi une incompréhension, ou alors j'ai mal compris, donc je comprends qu'il y ait une certaine tolérance des mauvais actes envers celui qui était dans un état d'ébriété au point d'avoir des rapports avec sa fille. Vous nous dites que son péché n'est pas pris en compte, mais je trouve que c'est un acte horrible vis-à-vis de sa fille. Elle doit vivre toute sa vie avec cette horreur en tête. » Pourtant, nous savons bien que ceux qui prennent des substances néfastes ou consomment de l'alcool font ce choix dès le départ. C'est déjà leur première responsabilité. Personne ne les force de base. Sinon, il suffirait de se mettre en état d'ébriété pour pratiquer des péchés sans retour de justice pour la victime. Voilà mon incompréhension en espérant avoir un retour, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, le retour, il va se faire. Alors, en premier lieu, il faut savoir une chose. Le livre, là, qu'on a abordé, c'est sur le sujet de la fornication. C'est-à-dire qu'on évoque des masail ilmiya par rapport à un sujet en particulier sans s'éparpiller à droite à gauche, ou si des fois parfois on fait des commentaires. Donc là, le but c'est quoi? C'est le fossil qui parle du jugement qui se rapporte au fornicateur. C'est-à-dire le jugement légiféré en islam qui s'applique sur le fornicateur. Pas le reste en soi. Sans qu'on pourrait parler de beaucoup de choses à travers les fatwas qu'il y a. Et cette personne-là fait allusion à la fatwa de cet homme qu'on avait lu la dernière fois. De Fatal Sham Mokbil, de cet homme qui a eu un rapport avec sa fille, car il était ivre. Donc, de quoi ça parle là? On veut savoir maintenant c'est quoi le jugement de quelqu'un qui a un rapport en étant ivre. C'est ça en fait la question. Qu'est-ce qu'il encourt? Et qu'il s'agisse de sa vie ou de quiconque. En fait, celui qui est ivre, il rentre dans celui qui n'est pas mukallaf. Au moment de son ivresse. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse dans l'état d'ivresse, ce n'est pas pris comme un péché pour lui, car on refait le qalem, on a cité le dalil. Cependant, cela ne veut pas dire que son ivresse, elle, que lui-même a causée, n'est pas un péché en soi. Bien sûr que c'est un péché en soi. D'ailleurs, les gens qui prennent des substances enivrantes, il y a une sentence, le gouverneur les frappe. Donc il n'est pas, on ne peut pas le juger comme coupable d'avoir forniqué. D'accord, c'est ça en fait qu'il faut retenir. Par contre, il sera coupable d'avoir bu de l'alcool. Et ça, c'est une autre question encore, qui n'était pas le sujet du dars en fait. Quant à ce que sa fille aura subi, ça pourrait être sa fille, ça pourrait être une femme qui l'aura violée, ça pourrait être... Là n'était pas le sujet en fait. Mais il n'y a pas une personne qui va prendre cela en compte. Bien évidemment que c'est un traumatisme pour cette fille, bien évidemment. Mais ce n'était pas le but du sujet d'en parler. D'accord. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas étalé là-dessus. Le but, ce n'est pas de parler d'une fille qui a été violée par son père. Non. Et ça, c'est une chose qui est très très grave, bien évidemment. Là, le but, c'était de parler de quelqu'un qui a forniqué, et qui plus est parmi les pires formes de fornication, sous les frais de l'alcool. C'est-à-dire que s'il avait été conscient, il ne l'aurait pas fait. C'était ça, en fait, qu'il fallait aborder. Voilà pourquoi je ne suis pas étalé sur le reste. Le reste, c'est un autre sujet. D'accord? Et on avait expliqué que celui qui a des rapports même consciemment avec ses maharim, sa mère, sa fille, sa sœur, ses tantes, les femmes qui sont en tête au mariage, en réalité, il y a une divergence, il y a des ulama qui voient qu'il y a un hadith qui dit qu'on le tue dans l'absolu, qu'il soit bikr ou pas. Donc, il y en a, ils voient que c'est la peine de mort pour ce qu'il a fait. D'accord? Maintenant, ce qu'il y a des dommages pour la personne qui a été touchée par cela, je ne connais pas, ça n'a pas été cité. Après, il se peut que le gouverneur impose cela. Mais maintenant, ce qu'on a un hadith, un hukm shad'i qui l'impose, je ne le connais pas si on a un. Je dis Allah alam. D'accord? Mais le gouverneur, il peut dire, pour ce que tu as fait, tu dois dédommager, par exemple, telle femme, telle personne qui a été traumatisée par ton acte, tu les dédommages par telle et telle, par exemple, une somme d'argent, ou je ne sais pas. C'est une chose qui revient au gouverneur à ce moment-là. Sauf si quelqu'un connaît un dalil par rapport à ça, il n'y a pas de problème, il nous en fait profiter et on le citera la prochaine fois, Inch'Allah. Naam. Et j'ai fermé la porte des commentaires sur YouTube pour pas laisser la porte ouverte à qui veut dire ce qu'il a envie de dire, parce qu'il y a des gens, l'alhamdoulilah c'est un bon commentaire, mais sur YouTube, sur les réseaux, c'est souvent que les commentaires c'est du grand n'importe quoi. Les gens ils parlent pour rien, d'accord, c'est la safaha, ce genre de choses. Par contre, si quelqu'un venait être amené à trouver une erreur dans un ders, une chose que j'ai dite qui serait erronée, ou une incompréhension sur une mas'ala, ou autre une question par rapport au ders, la boîte mail elle est ouverte pour ça, à la base. Pour des éclaircissements par rapport au doulous en soi. Donc la personne n'hésite pas à écrire avec respect, avec bon comportement, Inch'Allah, je répondrai. Biznillah ta'ala. Taïb. Taïb. Al-An sanouwasil fi al-qira'a. Biznillah ta'ala. Al-An yakoul, donc on est toujours dans le deuxième fosse qui concerne les règles qui s'appliquent sur le fornicateur, c'est-à-dire l'homme. Man bashara ajnabiyatan min fouq al-izar. وَأَوْلَجَ فَعَلِيَ الْحَدْ إِذَا لَمْ يُولِجْ فَيُغَزَّرْ. Donc maintenant c'est quoi? C'est la mas'ala de quelqu'un qui aurait un rapport avec une femme, donc étrangère, par-dessus les vêtements. Donc là ça me pose problème moi cette question-là, parce qu'il dit, ça c'est le titre, hein, la fatwa, alhamdoulilah, elle sort de ce contexte-là, mais le titre, il dit que si jamais il y a pénétration, ben il lui applique la sentence. Et s'il n'y a pas de pénétration, alors il subit une sentence, une sanction de la part du gouverneur. Personnellement, je n'arrive pas à concevoir qu'un rapport puisse se faire concrètement en étant habillé et par le biais des vêtements. Que la femme reste habillée, l'homme reste habillé, et que par-dessus les vêtements, il y a un rapport qui se fasse. Je n'arrive pas à le voir, mais bon, si ça existe, je ne sais pas, je ne connais pas. Quoi qu'il en soit, la question c'est al-zina bimra'atin nasraniyatin min shakhsin muslimin min fawq al-libas wa laysa mubasharatan ma al-hukm ala hadha al-shakhs idha kana mutazawwijan aw 'aziban. Donc maintenant il dit la fornication avec une femme nasraniya, c'est-à-dire une chrétienne, par un homme musulman par-dessus les vêtements sans que cela ne soit directement. Donc on comprend la fatwa que il n'y a pas eu de pénétration, en fait. C'est comme s'il y avait eu une forme de contact physique qui aurait peut-être amené à une éjaculation, un orgasme, mais qu'il n'y a pas eu de contact direct entre les deux parties génitales. Wallah alam. Donc il dit, quel est le jugement sur cette personne-là, s'il y avait un homme marié ou si c'est un célibataire? Donc la réponse est la fatwa de Al-Lajna Ad-Da'ima sous la présidence de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Qal man fa'ala dhalika fawa athim wa alayya tawbatu wa l'istighfar. وإذا ثبت على ذلك عند ولي الأمر دون إيلاج عذره بما يراه عفوا راضيا عنه وبالله التوفيق. Donc ils disent la réponse, celui qui fait cela, il aura commis un péché, il doit se repentir et évidemment demander pardon. Et si jamais cela s'affirme, c'est-à-dire ça, que l'homme a vraiment fait cela, et que cette affirmation parvient au gouverneur musulman, et que cela ait lieu sans pénétration, donc vous voyez bien la fatwa parle de pas de pénétration, parce que cela en fait c'est un homme qui a eu des rapports avec une femme par-dessus les vêtements. Il dit alors que le gouverneur doit le sanctionner pour ce qu'il a fait, selon ce qu'il voit comme étant, pas convenable, qu'il soit approprié. Une sentence appropriée à l'acte, à la mesure de l'acte. Donc non seulement cet homme-là a eu il a eu un contact physique avec une femme étrangère, qui plus est, une femme qui n'est pas musulmane, qui était habillée, et cela a amené à, probablement, à un orgasme. Mais il n'y a pas eu de pénétration. Donc il dit que le gouverneur doit le sanctionner de la façon la plus appropriée qui soit. Non. Donc voilà la réponse à cette question-là. ثم يقول من زنى بمرأة فلا يحرم عليه الزواج بأمها. Donc la question maintenant, c'est une personne, le sujet plutôt de la question, c'est quelqu'un qui aura forniqué avec une femme, il ne lui est pas interdit par la suite de se marier avec la mère de cette femme-là, avec qui il a forniqué, ou avec sa fille. Donc ça la question, quelqu'un qui a forniqué avec une femme, Une fois qu'il a forniqué par la suite, sûrement qu'il aura fait Toba ou ce qui s'ensuit, lui est-il permis de se marier avec la mère de cette femme-là ou avec la fille de cette femme-là, avec qui il a forniqué ? Qala al-Hafiz ibn Abd al-Barr. Donc maintenant, il ne cite pas les fatawas des ulama cités au début du livre, mais bon, ça reste quand même une référence, d'accord, parmi les grands imams et sur le mazhab malikite. C'est lui qui était, Ibn Abd al-Barr, qui a propagé le mazhab malikite dans les pays du Maghreb. قد أجمع أهل الفتوى من الأنصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها فنكاح أمها وابنتها أجوز. Donc il a dit, il y a une unanimité des gens de la fatwa à travers le monde qui ne sera pas interdit à celui qui a forniqué de se marier par la suite avec la femme avec qui il a forniqué. Donc là c'est unanime. Il dit, alors se marier avec sa mère ou sa fille, cette femme-là, à plus forte raison, cela sera permis. Donc là, on vous dit bien, on parle de jugement shari, de quelqu'un à qui ça arriverait. Par exemple, un homme, un exemple, c'est un musulman, et malheureusement, il a eu un écart, il a forniqué avec une femme, il s'en est voulu. Après, il a fait tawba, et il a voulu se repentir. Et il s'avère que cette femme-là, elle a une mère, peut-être qu'elle est droite, elle est mustaqima, et il veut se marier avec elle. Ou cette femme a une fille. Il veut pas cette femme-là qu'il a forniqué. D'accord? Mais il veut un mariage concret. Et il s'avère que la mère de cette personne-là lui convient. Ou la fille de cette personne-là lui convient. A-t-il le droit de se marier avec elle? On dit oui. Le fait qu'il ait forniqué avec cette femme-là n'interdit pas le mariage avec ses proches à elle. Voilà ce qu'il faut retenir. طيب ثم يقول من زنى بامرأة فله زواج بها بعد توبتها. Donc maintenant c'est la masala, c'est quelqu'un qui a forniqué avec une femme qui lui est permis de se marier avec elle, cette même femme là, mais cela après le repentir. السؤال زنى بامرأة غير مسلمة وولدت له بنتين ثم تزوج أم البنت. Donc un homme a eu un rapport avec une femme qui n'était pas musulmane. Donc une kafira. Et cette femme a enfanté de lui une fille. Puis, il s'est marié avec la mère de cette fille. Donc, la fille avec qui il a forniqué. Donc là, c'est une réponse de Al-Lajna Ad-Da'ima. Toujours sur la présidence de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Yaqul awwalan najibu 'alayka tawbatu ila Allah ta'ala min irtikab hadha adh-dhanbi al-'azim wa 'adami al-ruju' ilayhi maratan ukhra wa su'alu Allah ta'ala al-'afwa wal maghfirata 'amma badara mink. Donc il dit, en premier lieu, il t'incombe de te repentir à Allah de ce péché que tu auras commis, qui est un grand péché, et de ne plus recommencer, et de demander à Allah Azzawajal qu'il te pardonne et qu'il te gracie de ce que tu auras commis. Thaniyan la yajuzu lil muslim az-zawaj bi mar'atin al-kitab bi mar'ati al-kitabiyya yahudiyya aw nasraniyya idha zanat illa ba'd ikra'iha min az-zina wa tawba minhu. وقال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنة هي الحرة العفيفة عن الزنا ولقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Donc il dit qu'il n'est pas permis aux musulmans de se marier avec une femme parmi les gens du livre, c'est-à-dire une juive ou une chrétienne, qui a forniqué, si ce n'est qu'après qu'elle ait cessé ses pratiques. Et qu'il y ait eu un repentir. Bon, un repentir d'un kafir, est-ce qu'il accepte auprès d'Allah Azzawajal ? De base, non. Mais quand il veut dire un repentir, souvent il veut dire par là qu'elle a un vrai regret auprès d'elle et qu'elle reconnaît son mal, le mal qu'elle a commis. Après, est-ce que pendant l'Allah Azzawajal, si je fais Toba, c'est accepté? Non. Le kafir, ces actes ne sont pas acceptés. Tant qu'ils ne rentrent pas en islam. Cependant, peut-être qu'elle peut être reconsidérée comme étant une femme chaste. Wallahu ta'ala alam. Et il donne là comme preuve, la parole d'Allah dans le sens où il dit, aujourd'hui, les bonnes choses vous ont été permises, ainsi que la nourriture de ceux qui ont le livre avant vous. Ainsi que de vous marier avec les femmes chastes des croyantes, et les femmes chastes parmi les gens qui ont eu le livre avant vous. Et là, il dit, Al-Mursanat, que j'ai traduit par chaste, c'est la femme qui est libre et qui est chaste. Donc l'esclave, ce n'est pas permis, sauf dans des cas particuliers, mais ça c'est une autre mas'ala. Mais de base, Ce n'est pas permis. Donc, soit une femme qui soit chaste, c'est-à-dire une femme qui ne connaît pas les hommes, qui ne fréquente pas les hommes. Et après, il cite le verset dans lequel il dit, dans le sens, « Et le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un associateur, que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. » Il dit, « Thalithan, hadhi at-tifla al-mazkuratu wal-lati yathamaratu fi'al al-fahishati bi-ummiha, laysat bintan laka shara'a, wa la yajuzu nisbatuha ilayka wa liyannaha wujidat bima'in haram, wa huwa az-zina, fatunsabu ila ummiha, la ila man zana biha. » Il a dit, maintenant cet enfant qui est né de cette union, de ce rapport, et ce rapport qui est illicite, cette turpitude, comme il le dit, le fahisha, n'est pas ta fille au point de vue de la législation. Et elle n'a pas s'apparenter à toi, car elle était le fruit d'une semence interdite. C'est-à-dire, ça a été le fruit d'un rapport interdit. D'accord? À la base, il dit, min ma haram. Mais, on a dit, mais à la base, ce qui est voulu par là, c'est le sperme. D'accord? Mais pour rester moins cru et autre, en arabe, ils disent ma. Pour pas dire mani à tout va, ils disent ma. Bon, nous, en français, on n'a pas trop d'équivalent. Si je disais eau, les gens vont pas comprendre. Donc, je dis semence. Mais vous avez compris le but. Donc, cet enfant sera affilié et apparenté à sa mère et non pas à celui qui aura forniqué avec sa mère. Donc, retenez bien, le mariage avec une kitabiya, il y est pour condition qu'elle soit une femme chaste, qui ne fréquente pas les hommes. Et également, il faut qu'elle ait cessé la fornication, si jamais elle était une fornicatrice, et ainsi de suite. Sans quoi, ce mariage ne sera pas permis. Donc ce n'est pas toute kitabiyya qui est acceptée. Également, les ulama disent que la kitabiyya, il faut que ce soit une vraie kitabiyya, qui croit en son livre, qui croit en sa religion, pas une qui porte la croix autour du cou, je ne sais quoi, et qui dit des paroles folles qui sont même en contradiction avec sa religion. Mais juste, elle se dit, je suis catholique par héritage, parce que ma mère, elle est, mon père, il est, donc je le suis. Mais en réalité, la croyance qu'elle a n'a rien à voir. Donc ces femmes-là, non. On parle d'une vraie kitabiyya. Et croyez-moi, aujourd'hui, ces femmes-là sont les femmes qu'on trouve dans les couvents. Aujourd'hui, les vraies kitabiyyat qui ressemble à ce que le verset cite, ce sont les bonnes sœurs dans les couvents, en réalité. Celles qui ont fait vœu d'abstinence. Et la dernière fois, on a expliqué la différence qu'il y avait entre chasteté et abstinence. L'abstinence, ça va plus loin que la chasteté. Taille. Après, une autre question, toujours dans le même sujet. بعض الحكام إذا جاءه رجل يشكو أن ابنته زنى بها رجل فيحكم الحاكم بزواج الرجل من ابنته. Il dit, certains gouverneurs, c'est-à-dire dans certains pays, il parle de gouverneurs musulmans, lorsqu'un homme vient et se plaindre qu'un homme a forniqué avec sa fille, alors le gouverneur fait en sorte de marier cet homme avec cette fille. C'est-à-dire le fornicateur avec la fornicatrice. Donc là, on a une réponse de Shamourbil, rahimahullah ta'ala. Il dit, يلزمه الحد إذا جاءه الرجل وقال زنى بابنتي. ويلزمه حد القذف هو نفسه إلا أن يقيم البرهان على ذلك وإلا فعليه أن يعالج الوضع ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى الحاكم. Donc il dit Chamoukbil en premier lieu, celui qui viendrait à faire cela, c'est-à-dire le père par exemple qui vient et qui dit un tel a forniqué avec ma fille, en étant avec des termes clairs, il dit cet homme-là, on doit lui appliquer la sentence. À lui là qui a parlé. Pourquoi ? Car il a clairement accusé un acte de fornication. Donc on a expliqué quoi ? Qu'il y a une condition pour que dire quelqu'un qu'il a forniqué, il y a deux cas. Soit lui-même il avoue, le fornicateur, ou soit alors il faut qu'il y ait quatre témoins qui aient vu l'acte clair en même temps. D'accord ? L'acte clair, dans toute sa clarté. Et là cet homme-là, ce n'est pas le cas. Donc même demain tu as vu pour de vrai une personne forniquer avec une autre personne, de tes propres yeux, et c'était clair, tu étais tout seul à l'avoir vu, tu n'as pas le droit de le dire. Et de dire qu'un tel a forniqué avec un tel. Sans quoi, c'est toi qui seras flagellé 80 coups de fouet. Il faut qu'il y ait 4 témoins. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4. Donc cet homme qui fait cela, d'accord, c'est pour ça que beaucoup de gens sont laxistes, là, tu dis un tel il a forniqué avec Fulana, ou Fulana, c'est une femme, elle fait ça avec les hommes. Si tu ne l'as pas vu, avec 4 témoins, donc ce n'est pas une personne qui l'a reconnu, et d'elle-même, toi, tu mérites la flagellation et tu es un menteur auprès d'Allah Azzawajal. Wa ulaika indallah humul kadhibun. Auprès d'Allah, tu es un menteur. Mais si tu dis la vérité, tu n'as pas le droit de le dire, donc tu rentres dans le jugement du menteur et ton témoignage n'est plus accepté à l'avenir. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et on l'a expliqué la dernière fois, dans un ders, il y a des fois des paroles que l'on prononce, des insultes que les gens prononcent, qui amènent à ce jugement-là, comme traiter une personne de fils de prostituée. Ça veut dire que la mère, c'est une fornicatrice. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La personne qui part de la sorte mérite d'être flagellée 80 coups de fouet. Ou quelqu'un qui traite, comme je l'expliquais, quelqu'un de bâtard. À la base, un bâtard, c'est un enfant qui est né d'un rapport illicite, d'une mère dont le père est inconnu. Mais ça, un bâtard chez l'être humain. Et ça, c'est une chose qui court sur la langue des gens, à tout va. Ils ne savent pas ce que cela veut dire. En islam, tu dis cette parole-là, dans un pays où la charia, on te flagelle. On te flagelle pour cette parole-là. La mère de cet enfant va dire, hey, il m'accusait d'être une fornicatrice. Elle dit, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était un bâtard. Et un bâtard, ça veut dire quoi? C'est l'enfant d'une fornicatrice. D'ailleurs, c'est ce que les Yahoud disent de Isa alayhi salam, que c'est un bâtard. Ils le disent clairement. Jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que Mariam, alayhi salam, on peut le dire malgré même pour elle, non? Que Mariam a forniqué, car elle n'était pas mariée. Donc ils disent que Isa, c'est un enfant qui est né de la fornication, donc ils disent que c'est un bâtard. Wa alayhi azbillah. Donc attention à ce que les langues prononcent comme parole. Donc il dit que ce père qui dira cette chose-là méritera d'être flagellé 80 coups de fouet. Il dit sauf si il apporte les preuves. Et les preuves c'est quoi? Bah, c'est qu'il ramène trois autres témoins avec lui qui ont vu la chose comme lui. Ou alors que l'accusé avoue et admette avoir commis l'acte. Il dit sans quoi le père qui sait cela concrètement, qui a appris que sa fille a forniqué, il le sait, mais sans qu'il ne le dise, d'accord? Alors il doit lui tenter de régler le problème. Et il n'a pas besoin d'aller voir le gouverneur pour cela. D'accord? Donc il dit وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتُرَهُمَا وَأَرَادَ أَنْ يَكْرُدَ لَهُ بِهَا وَلَكِنَ الْمُشْكِلَةُ إِذَا كَانَتْ حَامِلَ فَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ فَهَذِهِ هِيَ الْمُشْكِلَةُ. Donc il dit il doit aller, maintenant il doit ne pas les dévoiler dans ce qu'ils ont fait. Et il dit il a le droit de la marier avec lui. Bien sûr, s'il y a une toba, on l'avait expliqué, que le fornicateur et la fornicatrice peuvent se marier s'il y a une toba. Sans quoi il dit, le problème, c'est si jamais cette femme, elle est enceinte. Rappelez-vous, dans les premiers doulous, on avait expliqué quoi? Qu'il y avait un khilaf entre les ulama. Si une femme, elle est enceinte de la fornication, Shamoukbil, lui, il voit qu'elle peut se marier, mais que tant qu'elle n'a pas accouché, elle n'a pas le droit d'avoir de rapport avec son époux. Et elle se marie avec qui? Avec l'homme avec qui elle a forniqué, hein, pas un autre. Et d'autres ulama, comme Cheikh Ibn Baz et d'autres, ils disent qu'elle n'a pas le droit de se marier dans l'absolu tant qu'elle n'a pas accouché. Que ce soit avec l'homme avec qui elle a forniqué ou quiconque. Ce mariage sera pour eux interdit et invalide. Donc c'est une masala où il y a khilaf. Car Cheikh Moukbil dit que si elle est enceinte de cet acte de fornication, ben on ne saura pas si c'est lui le père pour de vrai. Parce que si jamais c'est une femme qui fornique, bah déjà, elle ne pourra pas être véridique en disant « Ouais, il n'y a que lui. » On peut dire « Bon, on ne te croit pas, tu n'es pas une femme droite. Tu es une femme qui est une fascicor à la base. » Et lui, pareil. Donc, il sera dur de dire « Oui, on ne sait pas s'il n'y a pas eu un autre homme à part lui. » Donc, voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que celui qui fornique avec une femme, ils ont le droit de se marier tous les deux, mais seulement après avoir fait une tauba. Une tauba sincère. De ce qu'ils ont fait, ils regrettent, ils arrêtent, ils ne veulent plus recommencer. Et il faut laisser également un mois de istibra pour être sûr que la femme n'est pas enceinte. Et par la suite, s'ils veulent, on peut les marier. Non. Ou alors, ils peuvent se marier avec quelqu'un d'autre. Mais évidemment, on n'est pas obligé de les marier l'un avec l'autre, mais ils peuvent se marier avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il faut qu'ils aient fait tauba de la fornication. Yaqul, voilà, là, c'est une masala qui est la suite de ce qu'on vient de dire. La yasahu, al-aqdu al-zaniya hatta tatouba. Donc le contrat de mariage de la fornicatrice n'est pas valide tant qu'elle ne s'est pas repentie. إِذَا زَنَا رَجُلٌ بِمْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَابَ هُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهَلْ يَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا. Donc il dit un homme a forniqué avec une femme puis s'est marié avec elle et après 4 mois il a fait une tauba. Donc c'est-à-dire après le mariage. Est-ce que le contrat de mariage est valide? Donc là c'est une fatwa de Lajna Daima. يَقُولُ لَا يَجُوزُ التَّزَوُّجُ من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى تتوب وتنتهي عدتها وبدل توفيق. Donc il a dit qu'il n'est pas permis de se marier avec la fornicatrice et que l'acte de mariage n'est pas valide tant qu'elle ne s'est pas repentie. Et là vous voyez c'est un cas qui est fréquent, que vous avez trouvé des gens, masalan, ils ont une petite copine, ils sortent avec une fille, ce sont des musulmans par exemple, Et après, ils disent, ouais, il faut qu'on fasse le halal, comme ils l'appellent. Tu vois? Ce qu'on fait, c'est haram, on veut le halal. Ça veut dire qu'ils savent que c'est haram de forniquer, mais ils ne font pas tawbah. Ils disent juste, allez, c'est bon, se marier, toi et moi. Ben, ce mariage-là ne sera pas valide tant qu'ils n'auront pas fait un repenti sincère de leur relation précédente hors mariage. Cela est obligatoire. Le mariage ne va pas rendre les choses licites par la suite pour eux. Leur mariage, si ils se marient sans tawbah, leur mariage, il sera invalide. Il sera invalide. C'est-à-dire que c'est comme si c'était comme avant, en fait. Wali azbillah. Yaqul at-tawbatu la tughlaqu 'an az-zani wa az-zaniya win asrafa fi az-zina. Donc maintenant, c'est quoi? On va citer le fait que le repentir est une chose qui reste toujours accessible pour le fornicateur et la fornicatrice, même s'ils ont agi à outrance. As-su'al hal li thayyib az-zani min tawbah. Donc est-ce qu'il a, celui qui a forniqué, c'est-à-dire qui a commis soit l'adultère, parce que c'est un homme marié ou une femme mariée, ou alors qui a connu un mariage au préalable, on appelle ça un thayyib. Il a déjà été marié avec un mariage qui a été consommé. Donc lui, s'il a mis fait zina, est-ce qu'il peut se repentir? Cheikh Othaymin, il a été interrogé, il a répondu. Naam, li thayyib az-zani tawbah. Bel, li kulli muznibin tawbatun li kulli la ta'ala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهذا نص في العموم إن الله يغفر الذنوب جميعا قال العلماء رحمهم الله هذه نزلت في التائبين. Il a dit quoi, Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala? Il dit oui, que celui qui a commis l'adultère, on a expliqué c'est quoi l'adultère, la différence entre adultère et fornication. Que l'adultère, c'est spécifique. Fornication, c'est général. L'adultère, c'est la fornication d'une personne qui est déjà mariée. C'est-à-dire qui va avoir des rapports hors mariage avec une autre personne. C'est ça, l'adultère. Ou alors, thayyib, c'est soit quelqu'un qui est marié, ou plutôt qui a été marié. D'accord? C'est plutôt, voilà, enfin, thayyib, c'est quelqu'un qui a été marié. Donc, par exemple, un homme qui a sa femme qui a décédé ou qui a divorcé de sa femme, après elle est célibataire, mais elle était mariée au préalable. Ou une femme pareille, c'est une veuve ou c'est une divorcée, mais elle était mariée au préalable avec un mariage qui a été consommé. On appelle ça un thayyib. Donc lui, normalement, s'il fornique, c'est quoi la sentence? C'est la lapidation à mort. Même s'il n'est plus marié à ce moment-là. Donc là, il dit, Cheikh Othaymeen, que cette personne-là, la porte de la tauba lui est ouverte. Il a dit, même toute personne qui commet un péché, la porte de la tauba lui est ouverte. Et c'est le verset où Allah dit, dans le sens, « Dis, ô mes serviteurs, ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, qui ont dépassé les limites, c'est-à-dire par les péchés, ne désespérez pas de la rahma d'Allah, que Allah pardonne tous les péchés, et qu'il est le pardonneur et le miséricordieux. » Et il dit, c'est un verset qui est général. Que Allah, dans le sens où il dit, que Allah pardonne tous les péchés. Ils disent, maintenant c'est quoi ce verset-là? C'est un verset qui concerne le repenti, en fait. Celui qui se repentit, Allah pardonne. Parce que dans un verset, là, dans le Coran, il dit bien, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais pardonne en dehors de cela qu'il veut. Donc, les gens vont dire, mais il y a contradiction. Le verset, il dit que Allah, il pardonne tout. Et dans le verset, Allah, il dit qu'il pardonne pas le shirk. Donc comment on joue entre les deux versets? Le verset où Allah il pardonne tout, même le shirk, mais pour qui? Pour celui qui se repent. Donc le kafir qui entre en islam, son islam c'est une tauba, sa conversion c'est une tauba. Le fornicateur qui se repent, c'est une tauba. Le voleur qui se repent, c'est une tauba. Ainsi de suite, tous les péchés qui soient, c'est une tauba. Et l'autre verset où Allah il dit que Allah ne pardonne pas qu'on en sait quoi que ce soit, c'est celui qui meurt sur le shirk sans tauba, qu'il ne se l'aura pas pardonné. Donc bien comprendre comment joindre entre les versets. Taï. Et sans compter qu'auparavant, là, c'était des versets où Allah Azza wa Jal dit bien que celui qui ne fait pas de shirk, d'accord, il sera pardonné. Et également celui qui n'ôte pas la vie sans droit ou qui ne fornique pas, il sera pardonné. Mais ceux qui, par exemple, ne font pas de shirk mais font des grands péchés, alors ils doivent se repentir. Et si jamais ils meurent sans repentir, alors ils sont sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, les châtie, et s'il veut, il leur pardonne. Yaqul, at-ta'ib min az-zina tuqbalu tawbatu وَإِنْ لَمْ يُقَمْ عَلِيَ الْحَدِ. Donc maintenant, c'est la question, c'est le repent, celui qui se repent de la fornication sans qu'il ait subi la sentence. Est-ce que celui-là lui est pardonné? Et vous savez, auparavant, on en a déjà parlé, que celui-là lui est pardonné. Mais on va citer les fatwas quand même qui vont avec cela. مَا حُكْمُ شَرِعَةِ فِي الْإِنْسَانِ زَنَا وَلَمْ يُقَمْ عَلِيَ الْحَدِ وَلَكِنَّهُ الْأَنْ تَابَ وَنَدِمَ عَلَى ذَلِكَ وَهَلْ هُنَاكَ كَفَّارًا. Donc il a dit, c'est quoi le jugement de la charia sur une personne qui a forniqué, mais qui n'a pas été sanctionnée. C'est-à-dire qui n'a pas été flagellé si jamais c'était un bikr, qui n'a pas été lapidé si jamais c'était un thayyib. Donc cette personne-là s'est repentie et a regretté ce qu'elle a fait. Est-ce qu'il y a une expiation, c'est-à-dire autre que la sentence de la charia, pour lui effacer sa faute? Donc c'est une fatwa à laquelle répond Al-Lajna Daima, émise par Al-Lajna Daima. Man waqa'a fi shay'in min al-muharramat thumma taba minha bi an akla'a 'an dhanbi wa nadima 'ala ma waqa'a minhu wa 'azama 'ala an la ya'uda fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yatubu 'alayhi wa 'alayhi al-ikthar min dhikrillah wa 'amal as-salihat. Qala Allah ta'ala: wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila as-salihan thumma ihtada. Dit celui qui est tombé dans des choses interdites, puis s'est repenti, puis a cessé de pratiquer ce péché, et a regretté de ce qu'il a commis, et est déterminé à ne pas recommencer, alors Allah accepte son repentir. Mais cette personne-là doit faire encore plus de zikr, et faire encore plus d'œuvres pieuses, car plus tu fais des œuvres pieuses, puis cela sont des choses, des causes qui expient tes fautes. On l'a expliqué la dernière fois, « Innal hasanat yudhibna sayyi'at » comme encore la ta'ala, que les bonnes actions effacent les mauvaises. Donc, si jamais tu es dans ton repentir, tu es sincère, tu dois multiplier les actes d'adoration encore plus pour multiplier la probabilité que ton repentir soit accepté. Et il citait en dalil le verset où Allah dans le Coran dit, dans le sens, « Et que je suis le grand pardonneur pour celui qui se repentit et qui aura œuvré dans le bien, puis ce sera mis sur la droiture. » Et sans l'expliquer, ça s'appelle comment ça? Quelqu'un qui se repent et qui se met droit par la suite, ça s'appelle Al-Inaba. C'est-à-dire son péché, il l'a arrêté, et par la suite, lui-même, sa situation, il l'a amélioré. Ça, c'est Al-Inaba. Ça s'appelle Amunib. Deuxième question, toujours sur le même thème. Bilad Ghana, Daulatun Messihiyya. وفيها مسلمون وحكم الدولة غير الإسلام فوقع مسلمون على الزنا فطلب هذا الزاني عن المسلمين أن يحكموا عليه حكم شريعة الله عز وجل فمنعت الحكومة أن يحكم أحدنا على أحد بغير حكمها فما حكم هذا الشخص هل هو بريء عند الله أم لا مع أنه برز نفسه أمام حكم الله فصده صاد. Donc maintenant, il dit la question, c'est dans les pays, c'est au Ghana. C'est un pays qui est chrétien, mais dans lequel se trouvent des musulmans. Et que le gouvernement juge pas autre que l'islam. Un homme a forniqué et a voulu que les musulmans appliquent sur lui la sentence. C'est-à-dire, soit, parce que ça, car c'est pas précisé, est-ce que c'était un bikr ou pas, soit la flagellation, soit la lapidation. Cependant, le gouvernement l'a interdit. A interdit que quiconque juge avec autre que sa loi à lui. Il n'est pas permis de juger par autre que les lois du pays. Donc ils disent, quel est le jugement de cette personne-là? Est-ce qu'il est innocent pour Allah Azawajal de ce qu'il a fait? À savoir qu'il s'est lui-même exposé à recevoir la sentence, cependant, cela ne lui a pas été possible. Malgré lui. Donc là, c'est une fatwa de Al-Ajna Daima toujours. Yakul. يقولون من وقع في الزنا وجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة وينبغي أن يستر نفسه بستر الله عز وجل ولا يطالب بإقامة الحد عليه. Donc il dit, celui qui a fait la fornication, il doit forcément et obligatoirement se repentir auprès d'Allah عز وجل, une toba, un repentir qui est sincère. Et il doit se cacher. Tant que Allah l'a caché, il n'a pas à dévoiler ce qu'il a fait. Et ni demander à ce que la sentence s'applique sur lui. لا يقوم الحدود إلى الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة وبالله التوفيق. Donc ils disent, comme on l'a dit plusieurs fois au début du drousse, que personne en dehors du gouverneur n'a le droit d'appliquer les sentences. Ça, c'est le droit exclusif du gouverneur musulman sur son territoire. Donc cela ne revient pas tout à chacun, car cela va amener le désordre et également amener les troubles. Imaginez-vous, toute personne se met à appliquer. Par exemple, demain, quelqu'un vient chez toi et te vole, te cambriole. Tu le prends, tu lui coupes la main, toi-même. Ou quelqu'un, Mathalène, tue un de tes proches. Toi, tu vas prendre ton âme, tu vas le tuer toi aussi, ça va pas s'arrêter. Eh ben, eux aussi, ils vont venir, ils vont te tuer également, et ça va être le Far West. Ça va être comme ce qui se passe dans les mafias, dans les gangs, ce genre de choses, les vendettas, ça va pas s'arrêter. Ça va être des guerres de gangs. Ça aura commencé par une erreur. Même si tu aurais été toi-même dans ton droit, si le gouverneur n'est pas là pour appliquer, tu n'as pas à le faire toi-même. Tu n'as pas à le faire toi-même. Cela n'est pas permis. D'où le fait que des gens commettent des actes terroristes dans les pays de Kouf, parce que ceux qui le font, par exemple, comme c'était le cas du Charlie Hebdo, d'accord, ceux qui ont sont partis faire ce qu'ils ont fait, à la base, se moquer du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, oui, en islam, c'est la peine de mort. Mais qui est-ce qui s'applique cette peine de mort? C'est le gouverneur. Ce n'est pas tout à chacun d'aller voir et d'aller faire justice soi-même. Et là, en faisant cela, ils ont commis un grand péché. Et cela se nomme du terrorisme, ce qu'ils ont fait, concrètement. D'accord? Donc tout cela ne revient pas aux civils, cela revient au gouverneur musulman, pour mettre les choses dans l'ordre. Yaqul, toujours dans la mas'ala de la tawba, « Ana mutazawwaj wa zawjati fi baladi wa ana a'malu fi Brazil min ajli al-ma'ishati wa ta'limi awladi walakinni iktaraftu هنا جريمة الزنا وقد ندمت وتبت إلى الله فهل يكفي ذلك أم لا أو لابد من أو لابد معه من إقامة الحد أفتوني رحمكم الله. Donc il dit, je suis un homme marié, ma femme est restée au pays, moi je suis parti travailler au Brésil pour gagner ma vie et pour l'apprentissage, c'est-à-dire l'éducation scolaire de mes enfants. Cependant là-bas j'ai commis le péché de la fornication et j'ai regretté ce que j'ai commis, et je me suis repenti à Allah Azawajal. Est-ce que cela est suffisant ou pas? Ou alors, dois-je donc subir la sentence? Là, c'est encore une réponse de Al-Najna Adaima. قَالُوا لَا شَكَّ أَنَّ الزِّنَا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَإِنَّ مِنْ وَصَائِلِهِ غُرِيَ النِّسَا وَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَا الْأَجْنَبِيَاتِ وَانْحِلَالِ الْأَخْلَاقِ وَفَسَادِ الْبَيْئَةِ عَلَى الْعُمُومِ. Il dit, il ne fait aucun doute que la fornication est parmi les grands péchés et que les plus grandes causes qui y mènent, c'est justement la nudité des femmes. Et vous savez qu'au Brésil, vous connaissez l'ambiance qu'il y a là-bas. Voilà pourquoi le chir met l'accent là-dessus. Et le fait que les hommes et les femmes se mélangent, la mixité avec le genre opposé parmi les étrangers, femmes et hommes étrangers. Et également parmi les mauvaises mœurs qui s'y trouvent et l'environnement malsain. Tout ça sont des causes qui amènent à tomber dans un zina. Et vous savez également, ça c'est la France. فَإِنْ كُنْتَ قَدْ زَنَيْتَ لِبُعْدِكَ عَنْ زَوْجَتِكَ وَاخْتِلَاطِكَ بِأَهْلِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ ثُمَّ نَدِمْتَ عَلَى جَرِيمَتِكَ وَتُبْتَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً صَادِقَةً فَنَرْجُو أَنْ نَتَقَبَّلَ اللَّهُ تَوْبَتَكَ وَيَغْفِرَ ذَنْبَكَ لِكُلِّ تَعَالَى وَالَّذِي لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Il dit, si jamais tu as forniqué du fait que tu es loin de ton épouse et que tu t'es mélangé aux gens du mal, puis tu as regretté cet acte et tu t'es repenti auprès d'Allah Azawajal, d'une tauba qui est véridique, alors on espère que Allah accepte ton repentir et qu'il te pardonne ton péché. Conformément au verset où Allah est dit dans le sens, ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité et qui n'ôtent pas la vie que Allah a rendue interdite et qui ne forniquent pas, celui qui fait cela méritera une punition et que le châtiment lui sera doublé le jour de la résurrection et qu'il y sera éternellement dans l'ignominie. Et là, l'éternité, c'est pour le shirk, bien sûr. Hormis celui qui sera repenti, qui aura cru, qui aura œuvré des bonnes œuvres, alors cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions et que Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset-là, on le répète souvent parce qu'il est venu comme bonne annonce pour les gens qui auraient commis des fautes et qui veulent se repentir, se rattraper. Sans quoi, si la porte de repentir était fermée, on serait voué au désespoir et là, les gens s'empireraient. Leur cas empirerait. Voilà, Azbillah. Yaqul. وثبت عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في حديث البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله وإن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه متفق عليه. Dans le hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, portez-moi allégeance à ne rien associer à Allah, à ne pas forniquer, à ne pas voler, à ne pas ôter la vie que Allah a rendue interdite. Et celui qui sera loyal envers cet engagement, sa récompense revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui par contre qui aura enfreint quelque chose et qui sera châtié pour cette chose-là, alors ce châtiment sera pour lui une expiation. Et celui qui aura commis un acte parmi les actes cités, hormis le shirk, car le shirk, lui, celui qui meurt dessus, il n'y a pas de taube. Et il n'y a pas non plus de sentence pour l'expier. Alors que quelqu'un fait du shirk, c'est pas on le flagelle, on fouette, parce que c'est soit il sera exécuté en tant qu'apostat, ou soit il fera taube. Mais il n'y a pas de sentence autre qui lui laisse la vie par la suite. Soit il y en a une, c'est la dernière, la seule la dernière, soit il n'y a rien. Par contre, les autres actes, le vol, le meurtre, l'assassinat, la fornication, oui. Donc il dit, celui qui aura commis quelque chose de ces actes cités au préalable, et que Allah l'aura caché, alors son affaire revient à Allah Azawajal, et s'il veut, il lui pardonnera, et s'il veut, il le châtiera. Le hadith. « Lakin yajib alaykan tuhajir an al-bay'ati al-fasidati allati tu'alika bil-ma'asi wa tatloubu al-ma'ishata fi ghayliha min al-bilad allati hiya aqal sharran minaha muhafazatan ala dinik. Fayna ardullahi wasi'atun wa lam يُعْدَمَ الْإِنْسَانُ أَرْضًا يَكْسَبُ فِيهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَرْزَاقِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ils disent, par contre, il était obligatoire de quitter cet environnement malsain qui t'a causé la tomber dans ces péchés, et tu dois aller chercher, c'est-à-dire ton gagne-pain, ta vie, ton salaire, dans un autre territoire, un autre lieu qui soit de moindre mal pour préserver ta religion. Car la terre d'Allah est très large et l'homme ne sera jamais privé de pouvoir gagner sa vie ailleurs. Et celui qui craint Allah lui accorde une issue et lui accorde sa subsistance, nous ne s'y attend pas. Donc là, ça ressemble au hadith de cet homme qui avait tué 99 personnes pour finir par en tuer 100. Quand il a voulu se repentir, on demanda au savant est-ce qu'il avait une tawba, il a dit oui. Cependant, pour que ta toba soit complète, tu dois quitter la terre dans laquelle tu te trouves, car c'est une terre de mal. Donc les gens qui tombent dans des péchés comme ça, par exemple en France, on dit qu'une bonne cause d'avoir commis ces péchés, c'est le pays où vous êtes. C'est encore une des centaines de raisons qui appellent encore à ce qu'on encourage les gens à faire la hijra. Ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Quelqu'un qui commet des péchés, d'accord, et ben la tentation qui lui a causé la tombe dans ce péché-là, c'est principalement l'environnement malsain dans lequel il vit. Surtout en France, quand on voit les femmes qu'il y a devant en soi, ou même les hommes qu'il y a pour les femmes également, car c'est une tentation pour les deux sexes, pour les deux genres. Toutes les richesses qu'il y a, toutes ces choses-là, l'alcool, les drogues, la musique, tout ce qui s'ensuit, le tchambol bekoufar, tous ces péchés qui sont à portée de main, celui qui les commet, du fait qu'il soit là-bas, on lui dit que tu fasses toba, c'est bien, mais tu vas recommencer si tu ne pars pas. Donc quitte le territoire. Quitte le territoire où tu te trouves, car ce territoire est une cause qui t'amène à tomber dans le péché. Mais on ne dit pas que, en terre d'islam, ça n'existe pas, ça existe. Mais déjà, au moins, tu auras fait un pas qui prouve ta véracité. Et il y a moins de probabilité de tomber dans le zina en pays d'islam qu'en pays de kufr. Bien que c'est arrivé. Même des gens qui ont fait la hijra, ou à l'azubillah, dans leur hijra, ils sont tombés dans le haram, malgré tout. Quand t'as la machafarelle. Mais ça, ce sont des cas qui sont une minorité par rapport à ceux qui vivent en pays de kufr. C'est pas comparable. D'accord? Faut pas que des gens disent, ouais, même en hijra, on fait la hijra, je sais pas tel pays, je connais un tel, il a fait ça, donc pourquoi j'y vais? Je dis, t'y vas quand même. T'y vas quand même. Pourquoi? Pour d'autres raisons. Même si celle-ci, tu n'y échappes pas, tu vas échapper à plein d'autres. En premier, tu pourras adorer Allah Azawajal librement. Tu ne seras plus avec les koufars. D'accord? Et plein d'autres avantages. Maintenant, en tant que muhajir, tu ne seras pas à l'abri des péchés et des fautes. Mais tu auras déjà, toi-même, arrêté ce péché qui est de vivre en pays de koufre. Ce fait de vivre en pays de koufre et de ne pas pouvoir pratiquer sa religion est soi-même un péché. Même tu ne forniques pas, même tu ne voles pas, même tu ne mens pas, même ce que tu veux, déjà tu ne pourras pas adorer Allah comme il se doit. Ça c'est inévitable, c'est impossible. C'est impossible. Ça, il faut qu'on arrive à le concevoir. Et malgré tout, les autres péchés, tu ne les fais pas, malgré tout, on te dira qu'il faut que tu partes. Le simple fait que tu ne puisses pas adorer Allah Azzawajal librement et ouvertement, en extériorisant ta religion, comme il se doit, tu dois partir. Alors, que dire du reste ? ثم يقول المجاهر بالزنا متعود بالعذاب الأليم. Donc maintenant c'est celui qui carrément se vante de forniquer et qui le fait ouvertement, qui le dit clairement lui-même. Lui, il est sous la menace d'un châtiment douloureux. السؤال في مدرستنا يجاهر بعض الطلبة هداهم الله بالزنا ويقول أنا فعلت كذا وكذا فما الواجب علي وهل علي اسم. Donc il dit, le questionneur, dans mon école, certains étudiants, certains élèves, d'accord, déclarent ouvertement qu'ils forniquent. Ils disent, moi, j'ai fait telle et telle chose, j'ai fait telle et telle chose. Ils s'en vantent. Et vous savez, aujourd'hui, c'est réputé. C'est même une honte quand tu arrives à l'école aujourd'hui, tu as un certain âge, que tu n'as pas connu de fille ou une fille n'a pas connu d'homme. On dit, ouais, t'es un petit puceau, t'es une petite pucelle, c'est la honte. C'est la honte pour toi, en fait. Vous vous rendez compte? On est au stade où celui qui ne connaît pas cette turpitude, c'est lui qui est blâmé. Donc même celui qui a un peu de pudeur, tellement il aura honte d'être critiqué qu'il tombera dedans. Même s'il ne veut pas au fond, pour être comme tout le monde, être accepté par les autres. Wal'azbillah. Donc t'en as, ils s'en vantent. Et là on parle de muslimoun, hein. Les koufars, là, eux, ils sont sur le côté, on ne parle même pas d'eux, c'est voilà. Là on parle de muslimoun. Donc la fatwa de l'ajna daima. Yaqul yajibu alayka al-inkar alayhim wa nas'uhu wal bayan anna البيان له بأن الزنا من أعظم الجرائم المخلة بنظام الأسر ومن الكبائر المتعود عليها بدخول النار بل وموجبة الدنيا لإقامة الحد على مرتكبها وأن عليه أن يستتر بستر الله عز وجل ولا يجاهر بالمعاصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافاة إلا المجاهرون أو مجاهرين الحديث. Donc il a dit, t'es obligatoire de blâmer cela et de conseiller et de démontrer le côté illicite de la fornication et que cela parmi les pires des péchés, et les péchés également qui nuisent à la famille, à l'ordre familial. La fornication est parmi les perversions et les corruptions les plus nuisibles pour l'ordre familial. Ça, c'est une vérité. Et parmi les péchés qui sont sur les plus grandes des menaces. Et que celui qui le commet, d'accord, est passible de rentrer au feu. Et que ce acte également fasse que tu sois également de base passible de subir la sentence en ce bas monde. Donc la personne qui a fait cela doit s'en cacher. Au minimum, même s'il le fait, qu'il ne le dise pas. Qu'il se cache. Et qu'il n'est pas permis, que ce soit le zina ou autre, d'exposer ses péchés. Et de les dire. Et de les déclarer. Sauf dans un cas où tu auras fait mal à quelqu'un, il faut que tu répares ton mal. Là, c'est autre chose. Sans quoi tes péchés, tant que tu dois les faire, vraiment te cacher de les faire. Et d'ailleurs, ça fait partie de la pudeur. À la base, tu fais un péché, au minimum, cache-toi. Au minimum, cache-toi. Subhanallah. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que toute ma communauté est préservée et prémunie, à part ceux qui exposent leurs péchés. Et d'ailleurs, celui qui fait ses péchés apparents, il n'y a pas la riba sur lui, elle est permise. On peut le médire pour le péché qu'il commet ouvertement devant tout le monde. وَلِيَنَّ فِي عَمَلِهِ هَذَا إِشَاعَةً لِلْفَاحِشَةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et que celui qui agit de la sorte, c'est-à-dire qui propage et déclare faire telle et telle chose parmi les péchés, et c'est lui qui aime à ce que se propage la turpitude au sein des croyants. Dans le sens où Allah dit, ceux qui aiment que se propage les turpitudes ou se répandent les turpitudes au sein de ceux qui ont cru, ils auront un châtiment douloureux en ce bas monde et dans l'au-delà. Et d'ailleurs, ce verset est venu également pour dire pourquoi il ne faut pas dire que quelqu'un a forniqué. Car cela amène à répandre les turpitudes au sein des croyants. Il ne faut pas le dire. Et si on dit, c'est que dans les conditions citées au préalable. ثم نكمل بهذا السؤال الأخير. Dernière question de ce ders. Zani yunsahu fa'in lam yukbal fayuhjar. Le fornicateur, on le conseille. Si jamais il persiste sur son acte, alors on le boycotte. السؤال شاب صديق لي أعزب يصلي ويزكي ولكنه يزني لأن المعريات كثيرة وقد نصحته كثيرا فهل يمكن لي أن أقطع علاقتي به؟ Il dit j'ai un ami qui est célibataire, il fait la salat, il donne la zakat, cependant il fornique. D'accord, à cause des fortes tentations autour de lui. Et je l'ai déjà conseillé, je l'ai beaucoup conseillé. Donc m'est-il permis de couper mes relations avec lui? Fatwa lejna da'ima. Wa asil nusrahu la'ala Allah an yahdiyahu. Fa in lam yastajib, wajaba alayka i'tizaluhu bu'dan 'an al-munkar wa bila tawfiq. Donc il a dit continue le conseiller. Il se peut que Allah le guide par ta cause. Et si vraiment après insistance, il ne répond toujours pas favorablement, alors tu dois te séparer de lui pour ne serait-ce que t'éloigner de ce mal. Ça c'est valable pour tous les gens des péchés. Cependant, les ulama, ils disent bien, ils expliquent bien dans d'autres masaïl que celui qui fait des péchés, faut voir est-ce que le boycott qu'on va lui faire sera profitable ou pas. À la base, il est certain qu'on va pas le fréquenter comme on fréquentera quelqu'un qui est pieux. Mais si le boycotté va faire ce que son cas s'empire, alors vaut mieux garder une relation avec lui, mais garder des distances pour se protéger du mal quand même. D'accord? Et si on voit que le boycott, ça amène à ce que ça lui fasse du mal au point qu'il se remette en question et qu'il se sente mal, qu'il se sente gêné et qu'il arrête, alors faut le boycotter. Donc faut regarder. Est-ce que ce boycott apporte un profit ou pas? D'accord? Pour ne pas avoir à couper totalement avec les gens des péchés, franchement, rien qu'en France, si vous coupez complètement avec les gens des péchés, vous n'allez plus parler à personne. Presque. Donc même les gens, les petits jeunes dans la rue, qui font des bêtises, mais ce sont des musulmans, je parle, hein. D'accord? Même ils fument, ils écoutent de la musique, et c'est toujours de garder un lien avec eux pour leur ouvrir la porte à la tauba, au repentir pour le retour. Car si on leur ferme la porte, qui c'est qui va les prendre? Les gens du mal qui vont les prendre. Bien évidemment, on ne les fréquente pas, on évite de se montrer dans les lieux où ils sont, quand ils font du mal. Mais quand on peut les voir, un sourire, un salam, une nansiha, on leur propose de venir au masjid, on leur propose d'écouter un ders, ce genre de choses, il se peut que par la suite, Allah fasse que leur cœur s'ouvre. Et combien d'entre nous étaient guidés par ça? Par ça, combien d'entre nous qui étaient, on était loin, on était guidés par un comportement tel que celui-ci? Kama qala ta'ala, kazalika kuntum min qabl. Vous étiez de la sorte auparavant, vous étiez pareil que ces gens-là auparavant. Et quelqu'un vous a fait une rahma, c'est une cause de guider. Pour beaucoup d'entre nous. Donc nous-mêmes, il nous revient d'ouvrir la porte aux autres autant que possible. Allez, naktafi bidal qadr al-yawm. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa dars ghadan inshallah.